8-8. Activation, dictée. Écoutez et écrivez en chiffres. 23 francs, 46, 69, 92, 115 francs. 23 francs, 46, 69, 92, 115 francs.